connais les hommes, je connais pas les anges, mais bien trop la street. Fais-moi Doha, j'ai vu la peine, j'ai vu ton corps, on se verra plus, sayonara. J'ai vu le feu dans le décor, j'attends plus souffle de Adama. Besoin de temps, plein d'Eldorado, comme un oasis dans le Sahara. J'entends les Akra, je vois la Hakra, j'ai vu les Akra, j'entends les Barba. Je vois l'âge, les cheveux blancs, je serai jamais prêt, madre Barba. Tu veux le Roro, tu veux la Plata, fais tes choix, mais ne parle pas. Je connais le combat, je ne doute pas, je veux être un bonhomme comme papa. J'ai donné, j'suis tombé, j'ai ramé, le navire troué, j'ai plan, j'ai plombé. J'ai flambé, j'ai flambé, j'ai brillé, j'ai pêché, j'ai prié. Ah. Depuis petit, j'ai grandi dans le check, j'ai vu le manège en fumette sur mon Vespa. Ah, j'en reviens pas. Ah. Ils en ont dit de toutes les couleurs sur moi, sur mes proches, mais au final ils me connaissent pas. Non, ils me connaissent pas. J'ai grandi dans le tech et j'ai rien lâché. La rue, le rap, je me suis attaché. Mon shit, mon cœur, j'ai tout partagé. Ma maman dit sur les autres, faut pas rager. Le Schmitt m'a menacé. Il m'a pas rendu mélassé. J'ai fait appeler mon avocat. Au final ça s'est bien passé. Ça rend du taf le dos cassé. Pour 1200 c'est pas assez. Chaque fois que je passe dans la tête, on me dit force de barge. Chaque fois que je les dépasse, on cache du sucre sur mon dos en acier. Laissez-moi passer, laissez-moi tous les dépasser. Niveau surclassé, là je suis en classe. De côté va falloir tasser. Tasser. Pour mes gants, je ferai le ménage. Je reste fort mental d'acier. Pas le temps pour tous ces tasses. C'est comme on a dans le Garonne. Toi, t'as pas connu la Zermie. Forgé, j'ai vécu le meilleur et le pire. On faisait tout avec G. Là je suis dans ma folie. Je les vois tous affoler. Je te saute même si tu me supplies. Si ça touche à la Giddy House. Là je suis dans ma folie. Je les vois tous affoler. Je les mets tous accroupis. Si ça touche à la Giddy House. Combien de fois j'étais à terre à plus savoir me relever. J'ai esquivé la perquise, mais mes potes sont fait soulever. Faut rien lâcher dans cette vie de chien. Pendant des heures, j'écoute les anciens. J'ai jamais fini d'en chier. Rester solide, il faut pas vriller. Fais nos têtes cassées, on va prendre ce qu'on nous a pas passé. Depuis petit, c'est des montagnes qu'on veut déplacer. On s'est croisés, t'as rien compris, j'voulais pas te blesser. Maintenant, tu parles aux gens, tu fais que me rabaisser. Dans la night, combien j'ai fait de vœux. Pas grandi dans la soie, ni dans le chacun pour soi. Oui j'ai fini bourgeois, sans décoller du bourget. On fait le choix d'être un roi, pas une proie. Si tu crois qu'être soprano baba c'est facile, montre-moi. Je n'attends rien de l'état, qu'ils analysent sont mes médailles. Ils entretiennent nos rêves comme les murs de Noailles. Je taffe comme un chinois en suivant mes règles. Prendre la hauteur à tout ça en suivant les aigles. T'es fada, on a coupé chez tata. S'est fait frapper par tonton. Puni par maman, papa n'était pas là. J'suis bouillante puis minot. Puis la suis-je à terminaux. Moi, j'rêve déterminé. Expire, inspire, pousse la fonte. Ça buzz et puis ça vole. Dieu merci, j'ai la foi. Dieu merci, j'ai la foi. On me disait faut rien lâcher. La street faut pas s'attacher. Le quartier brise tes rêves comme MHD. On voulait du cash, tout pour la pâte du gain. La vie est combat, on a galéré sa mère. Jab, jab, du sale. Coriace frappe dans le sac. On y arrivera malgré le mal. Arrivera malgré le mal. Malgré le mal. Y'a personne qui croyait en moi. Quand je guettais seul dans le froid, j'ai servi tellement de cleans que j'en ai encore mal aux doigts. Je me souviens de leur mépris et de leur sourire narquois. Mais tu sais ce que j'ai appris. La patience fait preuve de bonne foi. Et quand la route est longue frère, que le chemin est dur, que les saveurs deviennent amères, noyées dans le futur. Relève la tête, sois fier, tu peux le faire j'en suis sûr. Le travail, l'envie, les coronnes te feront briser ces murs. Tu t'es fait péter sur un plafond, ben maladie. Autour de toi que des haineux jaloux qui t'envient. Tout part en vrille, il faut le piller ou le vivre. Et même si ma vie elle est triste, je dors dessus comme sur de la drill. On parle pas trop et tout est dit. Je monte pas trop mais je vis mes dreams. Oh là là, tout ça pour des loups parce que je suis ma malala. Ça les rend tous malades. Comment te dire que c'est ma vie? Je peux me détendre à morder leur ces petites putes tellement vite. Pour ma paire de Margiela, oh là là. Tout ça pour des loups quand je fais ma malala. Tout ça, ça les rend malade. La vie qu'on mène est rude, mais on va pas baisser les bras. On va le faire pour la cité, nos petits refs et nos scélérats. Comme Luther King, moi aussi j'ai fait un rêve. J'ai vu la paix à la place de tous ces drames. Le visage marqué comme celui de Syl. Il s'agit de croire en soi-même avec un très lourd passé. On a fait des sous dehors mais à quel prix? Depuis on a fait du chemin, frérot lâche pas prise. Ton carré chargé, je vais crosser l'avenir. Les larmes de ma main, j'en ai des frissons. Enfermé dehors, pas de permis de visite. On accuse le coup, resserre la boisson, on accuse le coup. Enfermé dehors avec Chayatine, confrontation carabinieri. Frère j'ai enfoiré. Tard la night, combien j'ai fait de vœux. Je charbonne, je travaille. Le reste c'est le bon Dieu. Tard la night.